Comment dit-on avoir? Tener. Tener. Nous avons. Tenemos. Oui, c'est ça, tenemos. Et faire. Hacer. Hacer. Nous le faisons. Lo hacemos. Lo hacemos, d'accord. Maintenant, revoyons encore une fois le verbe avoir. Hein? Avoir se dit. Tener. Attention, hein? Il faut insister sur la dernière syllabe. Tener. Et vous, hein, usted, vous avez. Tiene. Tiene. Et ils ou elles ont, hein, ou bien ustedes, vous avez. Tienen. Tienen, c'est ça. Et tu as. Tienes. Tienes. Et nous avons, hein, nous l'avons déjà vu, hein, il faut partir du verbe à l'infinitif. Tenemos. Tenemos. Mm-hmm. Et j'ai, c'est un verbe gogo. Tengo. Tengo. Mm-hmm. Mais revoyons ça. Alors, on a le verbe avoir. Hein? Avoir, c'est tener. Tener. Et vous, usted, vous avez tiene. Tiene. C'est curieux, en fait, parce que vous, hein, vous avez, usted, au présent, théoriquement, ça devrait être tene, du verbe tener. Mais, comme vous le savez déjà, ce n'est pas tene, mais tiene. Et je vais vous expliquer pourquoi. Comme à l'oral, le « e » est accentué, le fait d'accentuer, c'est un peu comme si on s'appuyait dessus hein, et qu'il cédait sous la pression et se brisait en deux. Il devient alors « i-e hein, »,« i-e ». Dans « tener » et « tenemos », le « e » de la première syllabe, « t », est maintenu parce qu'il n'a pas été accentué à l'oral. Hein, mais à partir du moment où il est accentué, sous la pression, il se scinde en deux et devient IE. IE. C'est pourquoi, pour vous, usted, vous avez, et il ou elle a, on ne dit pas tiene, mais tiene. Et de la même façon, pour tu as, on dit tienes. Et pour il ou elles ont, ou vous, ustedes avez, on a tienen. Et à la forme avec je, le g fait que le e est maintenu. Tengo, on ne dit pas tiengo, hein, non, c'est pas ça, c'est bien tengo. Prenons venir, qui se dit venir. Venir. Nous venons. Venimos. Venimos, hein, d'accord. Et comment dites-vous « il vient » ?« Viene » ?« Tout à fait. Là, c'est la même chose. Au lieu de « bene », on insiste sur le « e » de « b » qui cède sous la pression, se scinde en deux et devient « ie ». « Viene ». Donc, « ils viennent » se dira « vienen ».« Vienen », oui. Et « tu viens » Bienes. Bienes. Mais par contre, je viens, hein, comme on intercale le G, c'est Bengo. Bengo. Hein, tout à fait. Le E est maintenu. Bengo. Prenons maintenant le verbe commencer. Hein. Commencer, c'est comenzar. Comment direz-vous je commence? Comenzo. Il faudrait entendre plus nettement la syllabe accentuée. Comenzo. Et qu'est-ce qui arrive au « e » quand on insiste dessus? Comienzo. D'accord, hein, c'est ça. Comienzo. Hein, « e » devient « ie ». Comienzo. Ce qui veut dire « je commence ». Et « il » ou « elle » commence, hein, ou « vous », dans le sens de « usted hein, »,« vous commencez », ça sera comience. De quelle catégorie de verbe s'agit-il hein? Il existe deux sons clés. Comienza. D'accord. Hein? Comienza, du verbe comenzar. Si vous dites « comience », vous intervertissez les deux catégories et qu'est-ce que ça voudrait dire ? Ce serait un ordre, à l'impératif ? Exactement, hein, ça serait « commencer hein, ». Ça c'est un ordre. « Comience hein, », « comience », « commencer ». Alors, « usted », à quelle heure commencez-vous ? Se dira à que hora ? À que hora ? À que hora comienza ? D'accord. Hein? À que hora comienza ? Et si vous posez la même question à ustedes, hein? À quelle heure commencez-vous ? À que hora comienzan ? Comienzan. Hein? À que hora comienzan ? Et à quelle heure commences-tu ? À que hora comienzas ? À que hora comienzas ? Et à quelle heure commençons-nous ? À que hora comenzamos ? À que hora comenzamos ? D'accord. Bien, donc, pour la forme avec le « nous », on part du verbe à l'infinitif, « comenzar », donc « comenzamos », « à que hora comenzamos ». En plus de « comenzar », il existe en espagnol un autre verbe pour dire « commencer ». C'est « empezar ». Empezar. E-M-P-E-Z-A-R. Alors, si vous voulez dire « je commence », hein, à partir du verbe « empezar », vous direz « empezo ». Non, une fois de plus, insistez sur la syllabe accentuée et ça donnera empiezo. C'est ça, empiezo. C'est comme pour comienzo. Vous accentuez, et là aussi, le E, comme il est accentué, se scinde en deux sons sous la pression et devient IE. Empiezo. Alors, à quelle heure commencez-vous ou à quelle heure ça commence ? À que hora ? Emp. Empieza. Bien. Empieza. À que hora empieza ? À quelle heure ça commence ? À que hora empieza la película ? La película, c'est le film. C'est féminin en espagnol. La película. C'est comme pellicule en français. Mais en espagnol, ça veut dire aussi film. Película. Alors, à quelle heure commence le film ? À que hora empieza la película ? C'est película, avec un accent aigu sur le i. Película. P-E-L-I, avec accent aigu. C-U-L-A. Donc, à que hora empieza la película ?